Jérémie chapitre 52. Sédécia était âgé de 21 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Amutal, et elle était fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avait fait Jéhojakim. Car il arriva, à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et Juda, jusqu'à les rejeter de devant sa face, que Sédécia se rebella contre le roi de Babylone. Il arriva donc, l'an 9e de son règne, le 10e jour du 10e mois, que Nebuchadnetsar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée, et ils se campèrent contre elle, et firent des terrasses tout alentour. Et la ville fut assiégée jusqu'à 11e année du roi Sédécia. Et le 9e jour du 4e mois, la famine se renforça dans la ville, tellement qu'il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent de nuit hors de la ville, par le chemin de la porte entre les deux murailles, qui était près du jardin du roi, or les Chaldéens étaient tout autour de la ville, et ils s'en allèrent par le chemin de la campagne. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et quand ils eurent atteint Sédécia dans les campagnes de Jéricho, toute son armée se dispersa d'avec lui. Ils prirent donc le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, au pays de Hamath, où on lui fit son procès. Et le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécia en sa présence, il fit égorger aussi tous les principaux de Juda, à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécia, et le fit lier de double chaîne des reins, et le roi de Babylone le mena à Babylone, et le mit en prison jusqu'au jour de sa mort. Et au 10e jour du 5e mois, en l'an 19e de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, Nebuzaradan, prévôt de l'autel, serviteur ordinaire du roi de Babylone, entra dans Jérusalem, et brûla la maison de l'Éternel, et la maison royale, et toutes les maisons de Jérusalem, et mit le feu dans toutes les maisons des grands. Et toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le prévôt de l'autel, démolit toutes les murailles qui étaient autour de Jérusalem. Et Nebuzaradan, prévôt de l'autel, transporta à Babylone des plus pauvres du peuple, le reste du peuple, savoir, ceux qui étaient demeurés de reste dans la ville, et ceux qui étaient allés rendre au roi de Babylone, avec le reste de la multitude. Toutefois Nebuzaradan, prévôt de l'autel, laissa quelques-uns des plus pauvres du pays, pour être vignerons et laboureurs. Et les Chaldéens mirent en pièces, les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, avec les soubassements, et la mère des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils emportèrent aussi les chaudrons, et les racloirs, et les serpes, et les bassins, et les tasses, et tous les ustensiles des reins dont on faisait le service. Le prévôt de l'autel emporta aussi les coupes, et les encensoirs, et les bassins, et les chaudrons, et les chandeliers, et les tasses, et les gobelets, ce qui était d'or, et ce qui était d'argent. Quant aux deux colonnes, à la mer, et aux 12 bœufs d'airain qui servaient de soubassement, lesquels le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, on ne pesa point les reins de tous ces vaisseaux-là. Or, quant aux colonnes, chaque colonne avait 18 coudées de haut, et un cordon de 12 coudées l'environnait, et elle était épaisse de 4 doigts, et était creuse. Et il y avait par-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un des chapiteaux était de 5 coudées. Il y avait aussi un ray et des grenades tout autour du chapiteau, le tout d'airain, et la seconde colonne était de même façon, et aussi les grenades. Il y avait aussi 96 grenades aux côtés, et les grenades qui étaient sur le ray alentour, étaient 100 en tout. Davantage le prévôt de l'autel emmena Séraja, qui était le premier sacrificateur, et Sophonie, qui était le second sacrificateur, et les trois gardes des vaisseaux. Il emmena aussi de la ville, un eunuque qui avait la charge des hommes de guerre, et cet homme de ceux qui étaient près de la personne du roi, lesquels furent trouvés dans la ville, et le secrétaire du capitaine de l'armée, qui enrôlait le peuple du pays, et 60 hommes d'entre le peuple du pays, qui furent trouvés dans la ville. Nebuzaradan donc, prévôt de l'autel, les prit, et les mena vers le roi de Babylone, à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa, et les fit mourir à Ribla, au pays de Hamath. Ainsi Juda fut transporté hors de sa terre. Et c'est ici le peuple que Nebuchadnetsar transporta, la 7e année, 3023 juifs. La 18e année de Nebuchadnetsar, On transporta de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, prévôt de l'autel, transporta 745 personnes des Juifs. Toutes les personnes donc furent 4600. Or il arriva l'an 37e de la captivité de Jéhojachin, roi de Juda, au 25e jour du 12e mois, qu'Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année qu'il commença à régner, tira de prison Jéhojachin, roi de Juda, et le mit en liberté. Et lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des autres rois, qui étaient avec lui à Babylone. Et après qu'il lui eut changé ses vêtements de prison, il mangea du pain ordinairement tous les jours de sa vie en la présence du roi. Et quant à son ordinaire, un ordinaire continuel lui fut établi de par le roi de Babylone pour chaque jour, jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie.